Non, pas de flash. J'ai mal aux yeux. Pourtant, cette nuit, j'ai mené la danse. Mais aujourd'hui, j'ai mal aux cheveux. Alors, tu vois pas que je suis fatigué? Il fait chaud et la sieste est sacrée. Reviens donc dans une heure et toi aussi, va te coucher.